Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal mis en onde par Séraphine Hakizimana. Voici les grands titres. Le syndicat des travailleurs de la régie des eaux demande à la direction de cette entreprise de suspendre le marché portant acquisition des compteurs. Ce syndicat a constaté que des irrégularités sont nombreuses dans ce marché. Et 4 marchés sur les 7 récemment réhabilités à mairie de Bujumbura n'ont pas été réouverts ce mercredi, comme l'avait promis le maire de la ville de Bujumbura. Il a été constaté que les travaux de construction des stands n'ont pas encore terminé. Et puis, dans ce journal également, la cour d'appel d'Ongozi a confirmé hier la détention préventive de l'OPC de Nassien, OPC 1 de Nassien Barandereka, commissaire provincial de la police en province Changuzo. Et dans le reportage du jour, nous irons à Gatumba. C'est en commune de Mutimbuzi de la province Bujumbura. Là-bas, les populations sont menacées par les inondations pendant la saison pluvieuse. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour. Le syndicat des travailleurs de la régie des eaux, la régie de distribution de l'eau et de l'électricité, demande à la direction de cette entreprise de suspendre le marché portant acquisition des compteurs. Ce marché comporte des irrégularités qui pourront produire des effets néfastes à la trésorerie de cette régie, selon le syndicat. La direction assurant l'intérim à la régie des eaux dit que cette lettre comporte des accusations gratuites, mais qu'il faut attendre le retour du directeur général qui est en voyage pour de plus de précisions. Aubin Niyonguru. Dans cette correspondance adressée au directeur général de la Régie des Eaux et dont la copie a été transmise au deuxième vice-président de la République, ce syndicat dit que ce marché connaît des irrégularités qui ne permettraient pas la poursuite de son évolution sans préjudice aux intérêts de la Régie des Eaux. Ce syndicat reconnaît que la Régie des Eaux éprouve un besoin urgent des compteurs cash power pour les gros consommateurs. Néanmoins, ce syndicat trouve que leur acquisition doit se conformer aux normes des marchés publics. Dans cette période, ce syndicat SLTR rappelle que la Régie des Eaux vient aussi de subir une perte de plusieurs milliards suite à l'incendie qui a ravagé le principal magasin abritant le matériel d'extension, de raccordement et de dépannage. Contacté à ce sujet, le directeur à l'intérim dit que cette lettre comporte des accusations gratuites. Les détails pourront être donnés par le directeur général de retour de son voyage, a-t-il précisé. Ce marché porte sur l'acquisition de 1500 compteurs cash power. Merci Aubin. La cour d'appel d'Ongozi a confirmé hier la détention préventive de l'OPC 1 de Nassien Barandereka. Il est commissaire provincial de la police en province Changuzo. Ce dernier est sous les verrous depuis environ 2 semaines à la prison pour hommes d'Ongozi avec un jeune appréhendé avec un pistolet privé de ce commissaire. Cette arme se trouvait dans la voiture conduite par ce jeune en l'absence de cet officier de la police. OPC 1 de Nassien Barandereka plaidait pour sa libération provisoire. Le parking de bus de la zone urbaine d'Ongagara au quartier 3 a été supprimé pour être associé à celui de la zone Chibitoke. C'est dans le but de faciliter le transport en commun dans ces deux zones. Le secrétaire exécutif de l'association des transporteurs au Burundi, Atrabou, l'a déclaré ce mercredi après les lamentations des habitants d'Ongagara qui ne se déplaçaient plus facilement après l'annulation de l'itinéraire Ville Ngagara. Charles Nhirameba précise que la stratégie de mettre les autocollants sur les bus a été efficace pour diminuer les files d'attente des usagers du transport en commun au centre-ville. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Au sein de l'association des transporteurs du Burundi à Trabou, nous avons défini de nouvelles stratégies et de transport en exploitant les bus par ligne ici en mairie de Bujumbura, et ce qui nous a permis effectivement dans certains coins de regrouper les parkings. C'est notamment le camp du parking Ngagara et nous l'avons mis ensemble avec le parking Chibitoki. Et cette fois-ci, nous avons une seule ligne de Ngagara Chibitoki où le bus doit passer en Ngagara jusqu'au niveau qu'on appelle Sessinga. Par après, le chauffeur doit dévier pour aller se rendre à Chibitoki. Par rapport à l'ancien terminal d'Ongagara du quartier 3, on peut estimer 20 à 30 mètres. Ce n'est pas vraiment exagéré et pour quelqu'un de marcher 20 mètres ou 30 mètres pour arriver à la destination finale. Avec cette stratégie nouvelle que vous avez initiée, cette population dépasse beaucoup de temps en attente de bus de transport. Qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que vous en dites aussi de la trouble? Non, ça, ce n'est pas vrai parce que le temps d'attente maximale était estimé est à 20 minutes. Actuellement, on est à 10 minutes d'attente. Et ceux qui disent ça, et ce sont des personnes qui ne disposent pas beaucoup d'informations. Même aussi de la capitale, spécialement au petit séminaire, les passagers se lamentent que le parking qui était a été annulé. Au sud de la Trapeau, qu'est-ce que vous en dites? Au niveau du sud de la capitale, et nous avons supprimé la ligne Petit Séminaire. Quand cela nous tienne, il n'y a aucun problème parce que les bus de Moussaaga, ils vont arriver jusqu'à 24e avenue de Kinanira. Avec ça, ceux qui habitent tout près de la route Kanyosha doivent se déplacer avec le bus de Kanyosha, tandis que ceux qui sont un peu plus loin doivent se déplacer avec le bus de Moussaaga. Leur destination finale est fixée au 24e avenue de Kinanira. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le remplacement du gouverneur de la province Muramvya est pour bientôt, c'est ce que dit le porte-parole du ministère de l'Intérieur, et ce n'est que le processus référendaire qui l'a retardé. Terence Nairaja indique en outre qu'il y a encore du temps pour le remplacement ou le retour des administrateurs des communes Kirimba et Nyabikere, respectivement dans les provinces de Ngozi et Karuzi, arrêtés il y a environ 3 mois. Suivez Terence Nairaja, c'est le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Les deux administrateurs communaux sont emprisonnés et ils sont présumés coupables de certaines fautes lourdes. Ce qui fait que justement, le ministre en charge de l'Intérieur les a suspendus par l'ordonnance ministérielle, comme le prévoit la loi, laquelle ordonnance justement a une validité de 3 mois. Et c'est ce qui s'est fait effectivement. Et en attendant que justement la justice juge concrètement, il y a la loi communale qui permet justement au conseil technique chargé des affaires administratives et sociales d'assurer l'intérim. L'article 33 de la loi communale qui précise qu'un administrateur est remplacé après 30 jours. Qu'en est-il? Vous parlez des cas, c'est pour les cas quand il est mort, quand il n'existe plus ou en cas particulier. Sinon, les deux sont des présumés d'abord coupables et la justice est à l'œuvre justement pour vérifier si les accusations sont fondées. Mais justement, après justement la validité de l'ordonnance du ministre, et il y a le conseil communal qui doit tenir ses assises pour demander à qui de droit de prendre des mesures adéquates en vue de se conformer à la loi. Ces 3 mois viennent de se terminer. Entendu par là que les conseils communaux de ces deux communes devraient se tenir dans les meilleurs délais pour statuer sur le remplacement ou le retour de l'administrateur. Les 3 mois ne sont pas encore écoulés. Vous avez compté à partir du jour où il a été attrapé. Mais c'est à partir de l'ordonnance du ministre il y a un peu de temps et j'espère que la loi sera respectée. Il y a également la province Muramvya qui vient de passer plus de 5 mois son gouverneur. Qu'est-ce qui croche à ce niveau-là? C'est justement la seconde fois que vous me posez la même question. Je vous aviez dit que justement, dans très peu de temps, il sera remplacé. Mais comme vous le savez, dans les activités quotidiennes des autorités, il y a ce qu'on appelle les priorités. Et nous, on ignore que nous venons de passer une période très importante de la campagne référendaire et qui a pris 2 semaines. Et raison pour laquelle, vous savez que remplacer un gouverneur, c'est un processus. Il y a le chef de l'État qui propose les noms au Sénat du Burundi. Donc le Sénat analyse si effectivement la personne convient ou bien si les équilibres sont respectés. Et il y a la décision du Sénat pour qu'en fait, donc, le chef de l'État puisse bien entendu signer le décret relatif. Et à ce moment, les sénateurs étaient sur le terrain et qui devraient analyser le cas. Donc, nous espérons que comme on a déjà terminé le référendum, et dans très peu de temps, le gouverneur sera remplacé et la situation sera renormalisée. C'était Terence Nairaja, c'est le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il était au micro de Mireille Kanyang. La science et la technologie permettent de relever les défis tels que le développement durable, l'énergie, la santé des collectivités et améliorer la qualité de vie tant dans les pays développés et ceux en voie de développement. Tels sont ce que a dit Dr Djuma Chabani, cela reste sa conviction. Il est directeur de l'école doctorale de l'Université du Burundi. C'était ce mercredi à Gitega, lors de l'ouverture d'une retraite sur la recherche. Le doyen de la faculté des sciences, lui, a demandé aux professeurs de donner des connaissances issues des recherches. Arthur Kavabushi. Cette retraite qui se tient au grand séminaire Jean-Paul II de Gitega, le renforcement des capacités en matière de recherche, le directeur de l'école doctorale de l'Université du Burundi, Dr Djuma Chabani a fait savoir que la science et la technologie permettent de relever les défis liés au développement durable, l'énergie, la santé des collectivités et ainsi améliorer la qualité de vie tant dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Le directeur souligne que la science et la technologie sont accessibles à tout âge et dans toutes les cultures, étant donné qu'elles ont franchi les barrières géographiques, culturelles, raciales, de genre et constituent un véritable moteur de développement et un vecteur important à la fois des aspects culturels, économiques et politiques de la société mondiale. Ainsi, les pays africains, y compris le Burundi, doivent utiliser la science et la technologie pour surmonter les défis majeurs au développement, dont la sécurité alimentaire, l'énergie, l'éducation et l'emploi. Le docteur David Nahimana, doyen de la faculté des sciences à l'Université du Burundi, indique que l'avenir de la faculté des sciences de l'Université du Burundi est en jeu et que l'ère du monopole de l'Université du Burundi sur l'enseignement supérieur est révolue. Il fait savoir que la compétition s'est invitée et qu'ils doivent adopter un comportement conséquent dans leurs prestations de tous les jours. Il exhorte ses enseignants, chercheurs, à transmettre des connaissances issues de la recherche et à rendre des services à la communauté. Cette retraite qui va durer 3 jours regroupe les directeurs des centres de recherche ainsi que les travailleurs de la faculté des sciences à l'Université du Burundi. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi pour la radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi. Les habitants de la colline Muhuzu en commune et province Rumonge, surtout les chrétiens de la succursale catholique de cette colline, sont appelés à régler tout différend qui survient par un dialogue. Cet appel a été lancé par le gouverneur de Rumonge lors d'une réunion de sécurité sur cette colline ce mardi. Une réunion de sécurité intervenue après un climat tendu, né d'une interprétation différente parmi les fidèles de cette église ce dimanche matin. Une interprétation de l'homélie donnée par le prêtre. Il est 13h08 à Bujumbura et sur Isanganiro. À la source, reportage. Quatre marchés sur sept récemment réhabilités en mairie de Bujumbura n'ont pas été réouverts ce mercredi, comme l'avait promis le maire de la ville de Bujumbura. Le constat est que les travaux de construction des stands n'ont pas encore pris fin. Déception du côté des commerçants qui avaient répondu présents à ce rendez-vous. Ils demandent cependant à la mairie de Bujumbura de tout faire pour achever ces travaux de construction afin qu'ils puissent regagner ces marchés nouvellement réhabilités. Les détails dans ce reportage de Valistenzi Kobanyanga qui a visité les deux marchés du sud de la capitale. Vous voudrez bien nous excuser, le reportage concerne les ménages de la zone Gatumba, je vous l'avais dit en titre, et c'est en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Ces ménages sont menacés par les inondations qui s'observent au cours de la période pluvieuse. Les conséquences comme les maladies, l'abandon scolaire des enfants commencent à s'observer. Le secrétaire exécutif de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes considère que l'issue favorable de ces catastrophes devrait être l'installation de ces populations vers d'autres localités. Le reportage du jour nous amène donc sur les collines Muyang 1 et 2 de cette zone où certaines parties restent inondées depuis la fin du mois de mars. Le reportage est signé Alain Désiré Wukayenet. Nzara irashobora kuba mu minsi iraba kandi iraba. Besha bana amwe bamwe barononekaye mu maguru, maguru baratubagutse. Il s'agit de certains habitants des collines Muyange 1 et 2 de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Depuis les inondations de la fin du mois de mars, certains ont été réveillés par les eaux la nuit, certaines maisons étant complètement détruites. Depuis que cette pluie est tombée, ma maison a été complètement détruite. Et c'était pendant la nuit que nous avons été réveillés par les inondations. Malheureusement, on n'a rien sauvé en ce qui est du matériel. Nous avons failli être noyés, mais grâce à l'aide de nos voisins, on a pu sortir de la maison. Les lieux d'aisance ont été ravagés. Certaines localités restent inondées. Certains, y compris les enfants, souffrent déjà de certaines maladies. Puisque ces enfants piétinent toujours dans ces eaux sales, ils ont des plaies aux pieds. Par exemple, mon enfant a des boutons partout sur sa jambe et même aux autres parties du corps. Nous n'avons pas pu le faire soigner à l'hôpital faute de moyens. Les matériels scolaires de certains enfants ont été emportés par les eaux. Les uns ne vaquent presque plus à leurs activités. Mes cahiers et ceux de mes frères et nos uniformes ont été emportés. traversée par les eaux. Je vais à l'école quelques fois, car on me chasse si j'y vais sans uniforme. J'ai expliqué au maître mon cas, mais il m'a dit de parler aux parents et mes parents m'ont dit d'attendre. Certaines plantations de culture ont été complètement détruites par les inondations. Les habitants craignent déjà la famine. Cette pluie nous a causé beaucoup de dégâts. Nos maisons ont été complètement détruites. Les maniocs, les patates douces et autres qui étaient sur le point d'être récoltées ont été également remportées par les eaux. Je vois que la famine peut nous attaquer dans les jours qui viennent. Plus de 25 écoliers ne suivent pas régulièrement leurs études sur la colline Muyang 1, faute de matériel scolaire. Sur 9 collines que comporte la zone Gatumba, 7 sont menacées par ces inondations. 2177 ménages étant les plus touchés. Le secrétaire exécutif de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes annonce que les plus vulnérables ont déjà été identifiés. Et pour parer aux plus pressés, Opessin 1 Aniseni Baruta précise qu'en plus des vivres distribués quelquefois, il s'ensuivra l'aménagement des abris temporaires. Mais quelle est la cause de ces inondations? Il s'agit des eaux qui montent dans la rivière Rusizi au niveau de la RDC. Et par crainte que les turbines qui génèrent l'électricité ne soient pas noyées, on fait le délestage des eaux. Et puis les eaux se retrouvent dans la rivière de la Rusizi et crée des débordements qui par la suite sont suivis par des inondations. Le secrétaire exécutif de la plateforme considère que tous les partenaires devraient établir un programme de déplacer ces populations des localités les plus menacées comme issue favorable. Alain Désiré Boukeyeneza. Le premier paiement des caféiculteurs dans tout le pays est prévu ce vendredi. Dans un point de presse de ce mercredi, le président de la Confédération des associations des caféiculteurs du Burundi, Sénac, Murima Wissangi, a dit que ce paiement concerne les caféiculteurs qui ont vendu leur café cerise depuis le début de l'année jusqu'au 12 mai courant. On fait le point avec Joseph Sabiyabandi. Les caféiculteurs qui ont vendu leur café avant cette date vont toucher entre 500 et 600 francs burundais. Cependant, le président de la Sénac, Murima Wissangi, précise que le prix convenu est 500 francs par kilo de café cerise. Quant à la variation du prix, Joseph Nhirabama précise que cela dépend du positionnement des acheteurs. Les différents dépripeurs cherchent les différents marchés. Et dans ce cas, il y a un dépripeur qui est intéressé à bien collaborer avec les caféiculteurs. Et dans ce cas, il a le droit de dépasser ou de donner plus que les autres pour garder la confiance à ses clients qui sont les caféiculteurs. Concernant l'inquiétude liée au non-respect de la date annoncée par les détenteurs des stations de départage, le président de la Sénac dit qu'il y a des conventions qui doivent être respectées. Et la Sénac fait un plaidoyer. Nous avons des conventions avec les dépripeurs. Il y a des PV de réunion aussi que nous avons fait avec les dépripeurs. L'ARFIC est témoin parce que ces réunions se tiennent quand l'Intercafé est là, quand l'ARFIC est là. C'est notre garantie. Et si les dates ne sont pas respectées par les dépripeurs, premièrement, le dépripeur ferme sa station parce que l'ARFIC prend la décision suivant ses conventions. Le prix du café cerise demeure problématique. Le président de Murima Wissangi estime qu'une enquête indépendante peut trancher. Les caféiculteurs se lamentent toujours des paramètres utilisés pour fixer le prix. Et raison pour laquelle nous avons touché la Banque mondiale pour nous aider à faire une étude afin de connaître un prix réel qu'on peut donner aux caféiculteurs. Vous voyez ici dans les pays limitrophes, les pays frontaliers, le prix est élevé. Je vous dis par exemple, ici à la frontière au Rwanda, on donne 1000 francs le kilo du café cerise. Tandis qu'ici, on va nous donner 500 francs. C'est dommage. La Sénac Burundi annonce que les caféiculteurs qui ne sont pas concernés par le premier paiement devront attendre jusqu'au mois d'août, date du deuxième paiement. Joseph Nsabiyabandi. Et pour terminer ce journal, l'Alliance des imams du Corridor Nord pour le développement humanitaire plaide pour la scolarisation des filles musulmanes. Le président de cette alliance, Eli Bukuru Kalfan, a donné cette assurance à l'occasion ce mardi de la rupture du jeûne communément appelé Iftar Dina chez les musulmans. L'ambassadrice des États-Unis qui était là a rappelé que la fille éduquée peut elle aussi assurer de hautes fonctions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Séraphine Hakizimana a mis un nom de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Un bon après-midi.